La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. La Malle de Sinbad, 8e épisode, le 1002e conte. Marhaba bikoum fi barnamej Sundouq Sindibad. Bienvenue à vous dans l'émission La Malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami dire adieu à Hermès. Il raccrochait ses bottes définitivement. Le surnaturel confinait au céleste. Sinbad avait compris. Il s'était pris pour Icare, les diables de Babel l'avaient entraîné dans les nues. Toujours plus haut, la foudre d'en haut l'avait ramené à la raison. Le schéma invariable et ternaire, rêve, regret, apaisement, qui rythme les travelogues, opère comme une cure cathartique. La taouba, repentance, permet à Sinbad d'exorciser la folie du voyage, celle d'un homoviator, homme voyageur, effréné, pour gagner le monde de la sagesse et s'y éteindre. Peut-on seulement guérir ce malade? Pour paraphraser l'abécédaire de Deleuze à la lettre B comme boisson, le voyage supplémentaire, c'est le verre de plus. Cette unité du dépassement. La ligne de fuite couvre chaque incipit, garde en ligne de mire le point de départ. Rentrer chez soi, vous le savez. Sinbad prend à témoin de son hubris, dite de son addiction, le plus grand homme de son temps, le calife Harun al-Rashid. L'empereur des Trotinants lui rend l'insigne hommage de faire consigner, c'est l'istiktab, de faire consigner des récits alors gravés dans la mémoire des siècles. Quel est ce désir? C'est celui du commerce et de la connaissance, de l'avoir et du savoir. Le parcours suivi par le héros ne va pas en s'éloignant mais en s'approfondissant. Oui, mais il y a aussi la maladie. Sinbad est l'homme du « je », un singulier, un homme seul. Il est ailleurs, vous le savez aussi. Incapable d'apprécier le hic et nunc, l'ici et le maintenant. Les voyages se succèdent comme les vagues. Elles avancent sur le sable pour mieux reculer. Sinbad fait semblant de jouir. Le 7e voyage, fantastique, comme l'intitule Khawam, marque la fin suprême. Terminer et s'abolir pour devenir inutile. Il ne répétera plus, il ne jouera plus, la scène est démontée, son théâtre ferme. Et si nous devions tout reprendre par le début? Et si nous avions mal lu ces histoires? Et si nous avions refoulé leur auteur? Sinbad a menti. Sinbad a volé, les vivants comme les morts. Sinbad a tué, des coupables comme des innocents. Il n'est jamais puni pour ses crimes. Jamais il ne se repent. Il coule ses vieux jours dans la béatitude de l'avoir. Sacrilège. Sinbad déborde d'hubris. Oui, on l'a évoqué. La folie de l'excès. Il est insatiable et n'en a jamais assez. Toujours, il se remet en quête de richesse. C'est un crématomane, un maniaque de la richesse. Tadhakkaru, souvenez-vous, Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, distingue d'une part l'économique, entendez la bonne gestion de sa maison, son oikos, et d'autre part la crématistique, l'art de s'enrichir. Celle-ci reste acceptable tant qu'elle pourvoit au nécessaire. Ainsi, la monnaie se dépense, s'échange contre biens et services, car nous ne sommes pas autosuffisants. Mais elle devient blâmable si elle troque son habit de moyen pour le linceul de la faim. Échappant à l'usage, elle accumule l'argent pour l'argent. Cette déviance menace le tissu social. L'usure est son rejeton. Le marchand ne produit rien. Auri sacra fames, la maudite soif de l'or. Et si l'auteur de ces voyages, fantôme littéraire que nous convoquons l'instant d'une hypothèse, et si ce savant conteur avait composé une satire à l'encontre d'une classe montante qui dérange par son arrogance et son amoralité? Et si, empreint de valeurs antiques, il s'était attelé à brosser un portrait de ceux qui sont prêts à tout pour parvenir? Sinbad s'allonge et se justifie. « Il a mérité, nous dit-il. Quelle morgue! Le grotesque de la scène finale ne saute-t-il pas aux yeux? Le pauvre portefeuille et le riche marchand réconcilient leurs conditions. Ils vécurent dans un bien-être croissant, joyeux et comblé, jusqu'au jour où survint celle qui met fin au plaisir ici-bas, disperse les assemblées, laisse les palais en ruine et emplit les tombeaux, la mort et son calice. Gloire à l'Éternel qui ne peut être qu'éternité. » Thank you. C'était Kaddish for Superman, Worm and the Wonder Rabbies. Sinbad le sage? Allez, deux mots. René Basset, 1883. L'histoire des 10 vizirs. Sinbad al-Hakim. Sinbad al-Hakim, c'est un philosophe. Le temps de 10 nuits. Ces 10 nuits et les fables de Kalila wa Dimna, Kalila et Dimna, deux chacals courtisans, ne seraient rien d'autre que les deux volets d'un ouvrage didactique pour instruire les princes. Les premiers, ou les premières, tenant lieu d'enseignement, quand les secondes en offraient une pratique. Voilà comment ça commence. On raconte qu'il existait autrefois un roi du nom d'Azad Bart. Mais c'est déjà une autre histoire. Est-ce vraiment terminé? Allons, ne soyez pas si naïfs. Edgar Allan Poe nous a gratifié d'un 1002e conte de Sherazade. Truth is stranger than fiction. La vérité est plus étrange que la fiction. Thousand and second night. I quote the language of the Is It So or Not at this point verbatim. My dear sister, said she, now that all this little difficulty about the bowstring has blown over, and that this odious tax is so happily repealed, I feel that I have been guilty of great indiscretion in withholding from you and the king, who I am sorry to say snores, a thing no gentleman would do, the full conclusion of Sinbad the Sailor. This person went through numerous other and more interesting adventures than those which I related, but the truth is I felt sleepy on the particular night of their narration and so was seduced into cutting them short. A grievous piece of misconduct for which I only trust that Allah will forgive me. But even yet it is not too late to remedy my great neglect, and as soon as I have given the king a pinch or two in order to wake him up so far that he may stop making that horrible noise, I will forthwith entertain you, and him if he pleases, with the sequel of this very remarkable story. Ma chère sœur, dit-elle à la 1002e nuit, je cite ici littéralement le texte d'Is It So or Not. Ma chère sœur, maintenant qu'il n'est plus question de ce petit inconvénient de la strangulation et que cet odieux impôt est si heureusement aboli, j'ai à me reprocher d'avoir commis une grave indiscrétion. En vous frustrant, vous et le roi, je suis fâché de le dire, mais le voilà qui ronfle, ce que ne devrait pas se permettre un gentilhomme. De la fin de l'histoire de Sinbad le marin. Ce personnage eut encore beaucoup d'autres aventures intéressantes, mais la vérité est que je tombais de sommeil la nuit où je vous les racontais, et qu'ainsi je dus interrompre brusquement ma narration, grave faute qu'Allah, j'espère, voudra bien me pardonner. Cependant, il est encore temps de réparer ma coupable négligence, et aussitôt que j'aurai pincé une ou deux fois le roi de manière à le réveiller assez pour l'empêcher de faire cet horrible bruit, je vous régalerai, vous et lui, s'il le veut bien, de la suite de cette très remarquable histoire. Ici, la sœur de Sherazade, ainsi que le remarque Is It So or Not, ne témoigna pas une bien vive satisfaction, mais quand le roi, suffisamment pincé, eut fini de ronfler et eut poussé un « hum » puis un « oh » mot arabe sans doute, qui donnèrent à entendre à la reine qu'il était tout oreille et allait faire de son mieux pour ne plus ronfler, la reine, dis-je, voyant les choses s'arranger à sa grande satisfaction, reprit la suite de l'histoire de Sinbad le marin. « Sur mes vieux ans, ce sont les paroles de Sinbad lui-même, telles qu'elles sont rapportées par Sherazade. Après plusieurs années de repos dans mon pays, je me sentis de nouveau possédé du désir de visiter des contrées étrangères, et un jour, sans m'ouvrir de mon dessein à personne de ma famille, je fis quelques ballots des marchandises les plus précieuses et les moins embarrassantes. Je louai un crocheteur pour les porter, et j'allais avec lui sur le bord de la mer attendre l'arrivée d'un vaisseau de hasard qui pût me transporter dans quelques régions que je n'aurais pas encore explorées. Après avoir déposé les ballots sur le sable, nous nous assîmes sous un bouquet d'arbres et regardâmes au loin, sur l'océan, dans l'espoir de découvrir un vaisseau. Mais nous passâmes plusieurs heures sans rien apercevoir. À la fin, il me sembla entendre comme un bourdonnement, un grondement lointain. Et le crocheteur, après avoir longtemps prêté l'oreille, déclara qu'il l'entendait aussi. Peu à peu, le bruit devint de plus en plus fort et ne nous permit plus de douter que l'objet qui le causait s'approcha de nous. Nous finîmes par apercevoir sur le bord de l'horizon un point noir qui grandit rapidement. Nous découvrîmes bientôt que c'était un monstre gigantesque. Nageant la plus grande partie de son corps flottant au-dessus de la surface de la mer, il venait de notre côté avec une inconcevable rapidité, soulevant autour de sa poitrine d'énormes vagues d'écume et illuminant toute la partie de la mer qu'il traversait d'une longue traînée de feu. Quand il fut près de nous, nous pûmes le voir fort distinctement. Sa longueur égalait celle des plus hauts arbres et il était aussi large que la grande salle d'audience de votre palais, oh, le plus sublime et le plus magnifique des califes. Son corps, tout à fait différent de celui des poissons ordinaires, était aussi dur qu'un roc, et toute la partie qui flottait au-dessus de l'eau était d'un noir de jais, à l'exception d'une étroite bande de couleur rouge sang qui lui formait une ceinture. Le ventre qui flottait sous l'eau et que nous ne pouvions qu'entrevoir de temps en temps quand le monstre s'élevait ou descendait avec les vagues, était entièrement couvert d'écailles métalliques, d'une couleur semblable à celle de la lune par un ciel brumeux. Le dos était plat et presque blanc, et donnait naissance à plus de 6 vertèbres formant à peu près la moitié de la longueur totale du corps. Cette horrible créature n'avait pas de bouche visible, mais comme pour compenser cette défectuosité, elle était pourvue d'au moins 80 yeux, sortant de leurs orbites comme ceux de la demoiselle verte, alignés tout autour de la bête en deux rangées, l'une au-dessus de l'autre et parallèle à la bande rouge sang qui semblait jouer le rôle d'un sourcil. Deux ou trois de ces terribles yeux étaient plus larges que les autres et avaient l'aspect de l'or massif. Le mouvement extrêmement rapide avec lequel cette bête s'approchait de nous devait être entièrement l'effet de la sorcellerie, car elle n'avait ni nageoire comme les poissons, ni palmure comme les canards, ni aile comme la coquille de mer qui flotte à la manière d'un vaisseau. Se tordait pas non plus comme font les anguilles. Sa tête et sa queue étaient de forme parfaitement semblable, sinon que près de la dernière se trouvaient deux petits trous qui servaient de narines et par lesquels le monstre soufflait son épaisse haleine avec une force prodigieuse et un vacarme fort désagréable. La vue de cette hideuse bête nous causa une grande terreur, mais notre étonnement fut encore plus grand que notre peur quand, la considérant de plus près, nous aperçûmes sur son dos une multitude d'animaux à peu près de la taille et de la forme humaine et ressemblant parfaitement à des hommes, sinon qu'ils ne portaient pas, comme les hommes, des vêtements. La nature, sans doute, les ayant pourvus d'une espèce d'accoutrement laid et incommode qui s'ajustait si étroitement à la peau qu'il rendait ces pauvres malheureux ridiculement gauches et semblait les mettre à la torture. Le sommet de leur tête était surmonté d'une espèce de boîte carrée. À première vue, je les pris pour des turbans, mais je découvris bientôt qu'elles étaient extrêmement lourdes et massives, d'où je conclus qu'elles étaient destinées par leur grand poids à maintenir les têtes de ces animaux fermes et solides sur leurs épaules. Autour de leur cou étaient attachés des colliers noirs, signe de servitude sans doute, semblables à ceux de nos chiens, seulement beaucoup plus larges et infiniment plus raides, de telle sorte qu'il était tout à fait impossible à ces pauvres victimes de mouvoir leur tête dans une direction quelconque sans mouvoir leur corps en même temps. Ils étaient ainsi condamnés à la contemplation perpétuelle de leur nez, contemplation prodigieusement, sinon désespérément bornée et abrutissante. Quand le monstre eut presque atteint le rivage où nous étions, il projeta tout à coup un de ses yeux à une plus grande distance et en fit sortir un terrible jet de feu, accompagné d'un épais nuage de fumée et d'un fracas que je ne puis comparer qu'au tonnerre. Lorsque la fumée se fut dissipée, nous vîmes un de ces singuliers animaux hommes, debout, près de la tête de l'énorme bête, une trompette à la main. Il la porta à sa bouche et en émit à notre adresse des accents retentissants, durs et désagréables, que nous aurions pu prendre pour un langage articulé s'il n'était pas entièrement sorti du nez. Comme c'était évidemment à moi qu'il s'adressait, je fus fort embarrassé pour répondre, n'ayant pu comprendre un traître mot de ce qui avait été dit. Dans cet embarras, je me tournai du côté du crocheteur qui s'évanouissait de peur près de moi et je lui demandai son opinion sur l'espèce de monstre à qui nous avions affaire, sur ce qu'il voulait et sur ces créatures qui fourmillaient sur son dos. À quoi le crocheteur répondit aussi bien que le lui permettait sa frayeur, qu'il avait en effet entendu parler de ce monstre marin, que c'était un cruel démon aux entrailles de soufre et au sang de feu créé par de mauvais génies pour faire du mal à l'humanité. Que ces créatures qui fourmillaient sur son dos étaient une vermine, semblable à celle qui, quelquefois, tourmente les chats et les chiens, mais un peu plus grosse et plus sauvage. Que cette vermine avait son utilité, toute pernicieuse, il est vrai. La torture que causaient à la bête ses piqûres et ses morsures l'excitait à ce degré de fureur qui lui était nécessaire pour rugir et commettre le mal, et accomplir ainsi les desseins vindicatifs et cruels des mauvais génies. Ces explications me déterminèrent à prendre mes jambes à mon cou, et sans même regarder une fois derrière moi, je me mis à courir de toutes mes forces à travers les collines, tandis que le crocheteur se sauvait aussi vite dans une direction opposée, emportant avec lui mes ballots, dont il eut sans doute le plus grand soin. Cependant, je ne saurais rien assurer à ce sujet, car je ne me souviens pas de l'avoir jamais revu depuis. Quant à moi, je fus si chaudement poursuivi par un essaim des hommes vermines, ils avaient gagné le rivage sur des barques, que je fus bientôt pris et conduit pieds et poings liés sur la bête, qui se remit immédiatement à nager au large. Je me repentis alors amèrement d'avoir fait la folie de quitter mon confortable logis pour exposer ma vie dans de pareilles aventures. Mais le regret était inutile, je m'arrangeai de mon mieux de la situation et travaillai à m'assurer les bonnes grâces de l'animal à la trompette, qui semblait exercer une certaine autorité sur ses compagnons. J'y réussis si bien qu'au bout de quelques jours, il me donna plusieurs témoignages de sa faveur, et en vint à prendre la peine de m'enseigner les éléments de ce qu'il y avait une certaine outrecuidance à appeler son langage. Je finis par pouvoir converser facilement avec lui et lui faire comprendre l'ardent désir que j'avais de voir le monde. « Washish, squashish, squeak, Sinbad, hey diddle diddle, grunt, hunt, grumble, hiss, fiss, whiss », me dit-il un jour après dîner. « Mais je vous demande mille pardons, j'oubliais que votre majesté n'est pas familiarisée avec le dialecte des coqs hennissants, ainsi s'appelaient les animaux hommes. Leur langage, comme je le présume, forme le lien entre la langue des chevaux et celle des coqs. Avec votre permission, je traduirai. Washish, squashish et le reste, cela veut dire « Je suis heureux, mon cher Sinbad, de voir que vous êtes un excellent garçon. Nous sommes en ce moment en train de faire ce qu'on appelle le tour du globe, et puisque vous êtes si désireux de voir le monde, je veux faire un effort et vous transporter gratis sur le dos de la bête. » Quand Lady Sherazade en fut à ce point de son récit, dit Lizzie Sornotte, le roi se retourna de son côté gauche sur son côté droit et dit « Il est en effet fort étonnant, ma chère reine, que vous ayez omis jusqu'ici ces dernières aventures de Sinbad. Savez-vous que je les trouve excessivement curieuses et intéressantes ?» Sur quoi, la belle Sherazade continua son histoire en ces termes. Sinbad poursuit ainsi son récit. Je le remerciai, l'homme animal, de sa bonté, et bientôt je me trouvais tout à fait chez moi, sur la bête. Elle nageait avec une prodigieuse rapidité à travers l'océan, dont la surface, cependant, dans cette partie du monde, n'est pas du tout plate, mais ronde, comme une grenade, de sorte que nous ne cessions, pour ainsi dire, de monter et de descendre. « Cela devait être fort singulier, » interrompit le roi. « Et cependant, « rien n'est plus vrai, » répondit Sherazade. Sébastien vous présente La Malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique. Lors, vous saurez ce qu'il advint de Sinbad, l'audacieux marin. Ma'assalam. La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.